principal, un massa, un max de magots. De la réponse, langue de bois au discours des magots. Sarko, Chirac, Rodin envers eux. Politicien corrompu au caractère véreux. On verra, on verra. Préparation de l'insurrection. Aucun ne me représente, mon bas les coups de vos élections. Intégration, c'est ça, Arbi avant tout. Les traditions me collent comme une ventouse. Ils font tous de fausses promesses et ça m'effraie. Gauche ou droite, c'est le peuple qu'on fait les frais. Refrais, diplômés, recalés à l'embauche. Discrimination, ils nous préfèrent dans la débauche. C'est hoche, sur mon écran, insécurité. Ça va péter, j'enlèverai le cran de sécurité. En vérité, ils piochent, tapent tous dans la caisse. Pendant que certains crèvent, qui ont l'espoir et en caisse. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. J'parle politique sans être en polytechnique. Emploi et technique, un poli aux propos cyniques. Conflit ethnique dans le parti d'extrême droite. Qui élire entre la gauche et la droite? Chirac et Tibéri font même voter des morts. Des traites comme Michou méritent la peine de mort. Personne nous symbolise à l'Assemblée nationale. Et même les bleus, ils chantent pas l'hymne national. On râle, tout va mal, ça jacque de mariage de mots. Et sont sur notre rap pour quelques gros mots. En gros, voilà le retour du super monteur. Monteur d'histoire, alternateur du moteur. Lui a prouvé comme la taxe et les impôts. Bluff sur les retraites, les jeunes casquent plein pot. Hey, politiciens, cessez vos baratins. Vous finissez vos reçois dans des baratins. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. On m'a appris dans ce monde à ne pas fermer les yeux. Où circule autant de shit que de l'huile véreux. En véreux, je capte aucune estime. Vu que Rabza Renoir, Boca t'a fait à l'usine. Inquiété, voir la hausse du FN. Tandis que Chirac à Mitterrand, tous enquêtés. Inculpés, à tort les miens du mal à atterrir. Sans cesse cataloguer la haine, on finit par l'acquérir. À quoi rime leur discours de putain, vu que le fric sale. Seule valeur à quelle ils adhèrent, adorent. Voir nos vies assis sur des branches. Pendant qu'ils puent la caisse, on met plein les poches. Pendant tes campagnes, tu m'offres ton hospitalité. Alors que de ma vie, rien à foutre en réalité. Réalité, ils répètent tous les mêmes chose. Et derrière la barre, elle succède pour les mêmes causes. MC Ricta, lors du silence, Big Soprano, ouais, 18 piges à peine. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur. Vote si tu veux, c'est un devoir et un droit. Tu verras pas aux yeux, on dit l'heure de se mettre un doigt. Tu cries tout haut ce que les miens murmurent. Là où tu peux lire, nique la France taguée sur un mur.